Chapitre 2. Il dormit mal. Ah, ces nuits! Il ne l'eût pas dit à Germaine, mais depuis quelques nuits, il dormait de plus en plus mal. Il ne voulait plus dormir. L'horreur déjà de se glisser dans ce lit où, des jours et des jours, elle avait crié « Assassin, tueur de femmes, va crever dans la rue !» Tous ces cris que l'on a entendus, que l'on recommence à entendre dès qu'on s'oublie à fermer l'œil. Il regarda Germaine. Elle dormait bien, elle. Plus agitée du tout, calme, au bout des doigts ses petites secousses comme toujours, parce qu'une main de pianiste, même en dormant, frappe encore les touches. Une belle artiste, un beau cerveau. S'il l'embrassait. Il se pencha. Eh, qu'allait-il faire? Caresser ce front, en avait-il le droit? Ce sont des choses qu'on ne s'avoue pas. Si elle avait été malade sous ce front, à qui la faute? À qui? Parbleu, n'est-ce pas? Quand on est écrivain, on combine des histoires, on imagine des personnages. Certains, on les aime si fort qu'on les devient. Par exemple, ce Valère, dont les pouces se serraient en amour autour du cou d'une vieille femme. Si, si, il l'avait senti si fort que ses mots en écrivant s'étaient enfoncés comme des pouces dans ce cou de vieille femme. Il en avait même pris de la joie, une joie venue du diable, de réaliser sur le papier le mal qu'il n'eût osé dans la vie. Avec cela, on est lâche. Ce beau cerveau de Germaine que l'on aime, on le connaît depuis l'enfance, on le sait un peu naïf, on s'amuse à le chipoter, voir ce qui arrive. Un jour, n'avait-il pas essayé? Tu sais quand Valère étranglait cette femme? C'est arrivé, c'est vrai. Un autre jour. À toi, je l'avoue, ce Valère, c'est moi. Ou plutôt non, ce n'était pas ainsi. Ce livre que l'on écrit, ce livre dont on parle, que l'on vit, on mêle le vrai et le faux. Elle, la première, avait dit « Ce Valère, c'est toi !» Et lui, encore tout chaud « Oui !» Voir ce qui arrive. Ce qui arrive ? Ah bien, oui. Pendant des mois, une femme se replie dans la terreur, le dégoût, parce que... Et l'homme n'y pense plus. Puis folle. Assassin, tueur de femmes, va crever dans la rue. Encore ces mots, s'il les avait simplement entendus. Même les voir. Plein la chambre, sur les chaises, accrochés aux barreaux du lit, sur l'armoire. Comme quand elle les prononçait, ils avaient les joues de Germaine, le nez de Germaine, ce masque horriblement boursouflé, qui était le visage de Germaine et ne ressemblait plus en rien au visage de Germaine. Et il roulait des yeux, tordait la bouche, se tenait des deux mains la langue, parce qu'il ne voulait pas avaler leur salive. On a beau dire que de tels mots n'existent pas, quand même il les voyait. Et puis, assassin, tueur de femmes, va crever dans la rue! Qui lui prouverait, après tout, qu'il n'avait pas tué une femme. Hein? Sa joie quand, mot par mot, il écrasait sous les pouces le cou de cette vieille femme. Et puis il avait promis. Mon cerveau pour sauver le sien. Je donnerai mon cerveau. C'était justice. Maintenant le cerveau était sauvé. Alors ces mots qu'il entendait, ces mots qu'il voyait, s'il venait réclamer ce qu'il avait promis. Il dormit mal. Il se tenait sur ses gardes. Quelque chose allait se produire. Il sentait plus violent déjà dans la tête son mal. Là, par derrière, sous l'os. Le lendemain, il ne pensait à rien. Il regardait Germaine, il entendit. « Il ne faut pas jeter le marc dans l'évier. »« Zut, on ne jette pas du marc dans l'évier. »« Qu'est-ce qui jetait du marc dans l'évier »« Qu'est-ce que cela lui faisait que l'on jetât du marc dans l'évier ?»« Elle n'allait pas recommencer cette blague. » Germaine, devant son piano, ne jetait pas du marc dans l'évier. Elle étudiait Beethoven. Pam, pam, pam. Toujours ce grand Beethoven. Il dit « Je vais faire comme toi, je vais travailler. » Il s'enferma dans sa chambre, il alla vers son miroir. « Un susuc, Fox ? Nous avons les yeux tristes, un peu hagards. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, au travail, Fox. » Il reprit sa phrase de la veille. Marie était... Qu'est-ce qu'elle était, Marie ? Tiens, Marie, le mot, sur le papier, bougea, se souleva, prit un corps, puis deux ailes, s'envola, et, droit par l'œil, lui entra dans le cerveau. Cela se mit aussitôt à le ronger. Mais non, que les mots la nuit fissent des grimaces, il le savait. Mais en plein jour, les mots ne prennent pas d'ailes. Les mots sont des signes. Les mots ne deviennent pas des mouches qui entrent par un œil pour vous ronger le cerveau. La preuve, il courait là, sur sa page. Du bout du doigt, il l'aplatit. Mort. Cela fit une tache. Certes non, il n'avait pas peur. Voir ce qui arrive. Il essaya d'un autre mot. Était. Vraiment, oui, le mot vivait. Des pattes, une carapace, un bout de trompe. On aurait dit de ces bêtes qui percent le bois. Elle grimpa le long du porte-plume, puis, droit par l'œil, lui bondit dans le cerveau. Cela se mit aussitôt à ronger. Ah, une bête! Elle se traînait d'ailleurs sur le papier. Tiens, bête! Sous l'ongle, il l'écrasa. Cela fit une deuxième tâche. Voir ce qui arrive. Au hasard, il traça. Il ne faut pas jeter le mar dans l'évier. Cela grouillait. Ce n'étaient pas des vers, puisqu'ils agitaient des pinces, et aussi des pattes comme des homards. Ils avaient un corps de ver. Il eut tout juste le temps, il abattit le poing. Tenez, ver! Quelle bouillie! Sa pagne en fut souillée. Le singulier roman qu'il écrivait là. Il pensa. Je vais montrer mon ouvrage à Germaine. Pam, pam, pam. Beethoven resta une main en l'air. Elle regarda, elle dit. Eh bien, c'est à cela que tu travailles? Des pâtés d'encre? Où voyait-elle des pâtés d'encre? Il expliqua. C'est du jus de mots, elle fit. Évidemment, l'encre, c'est du jus de mots. Pauvre Germaine, elle était guérie. Quand même, il restait quelque chose. Il précisa. Comprends donc, ce n'est pas de l'encre. Ces mots vivaient, je les ai tués. Tu vois, là et là. Il montra les places, puis il se fâcha parce qu'elle soutenait. Tu dis des bêtises. Après, oui, il dut en convenir. En effet, c'est de l'encre. Il en avait plein les doigts. Elle dit alors. À la bonne heure. D'ailleurs, tu le sais bien, on ne tue pas les mots. On ne tue pas les mots. Évidemment, on ne tue pas les mots. Mais si on ne tue pas les mots, ils vivent. Et s'ils vivent? Ils étaient dans son cerveau. Il les sentit. Sa pauvre tête, mon Dieu, comme les mots y rongeaient. Il comprit, et tout aussitôt comprit autre chose. Il avait dit « Je donne mon cerveau ». Les mots lui prenaient son cerveau. Il prononça. Ce qui arrivait juste. Et ces mots, comme les autres, entrèrent et lui rongèrent le cerveau. Il retourna dans sa chambre, et miroir fut un mot avec un chien qui sourit et vous mord le cerveau. Il ne fut pas surpris. Il fit quelques pas et, comme s'il avait marché dans une fourmilière, des mots coururent sur ses pieds, des mots coururent sur ses jambes, des mots coururent sur ses mains, des mots montèrent vers sa tête, des mots qui cherchaient et trouvaient son cerveau. Ils étaient comme ils sont quand les mots vous cherchent le cerveau, avec des dards d'abeilles, avec des griffes de lion, avec des ailes comme des oiseaux, avec d'ignobles barbes d'hommes, avec le masque boursouflé qui ne ressemblait plus au visage de Germaine. Là, un mot qu'elle avait lancé, là, un mot qu'elle avait écrit, là, un mot qu'il avait pensé, là, un mot qu'il avait dit. Mon Dieu, pourquoi dans sa vie avait-il animé tant de mots? Mais il n'était pas fou. Germaine avait été folle. Tandis qu'elle était folle, elle annonçait « Je vais me taire » et ne cessait de parler. Lui, il pouvait se taire, il dit. Il ne faut pas jeter de mar dans l'évier. Mais ce qui arrivait juste. Et d'abord, plus jamais je ne m'assoirai sur une chaise. Ma place n'est plus sur une chaise. Ma place est par terre, humblement, près du poêle. Il s'assit près du poêle. Il était libre de se taire. Il continua de parler. Et poêle est un mot qui porte dans son ventre des intestins de flamme. Et flamme est un mot qui vous brûle le cerveau avec sa langue de flamme. Ce qui arrivait était juste. Ces mots, puisqu'il voulait son cerveau, il ne repoussa pas ces mots. Il était toujours libre de se taire. Il dit « Je laisse entrer ces mots. Il y a les mots, et mot est un mot avec trois pinces à me pincer le cerveau. Il y a les mots, on leur dit « Viens ici, gentil petit mot. » Avec un peu d'encre sur le papier, on le colle. Cela fait un mot. Avec un peu d'encre sur le papier, on colle d'autres mots, cela fait d'autres mots. encore des mots. De mot en mot, cela fait des phrases en mots. Encore des mots. De mots en mots, cela fait des livres en mots. Des livres en mots avec des valères en mots et leurs pouces en mots qui vous cherchent et vous étranglent le cerveau. Mais les mots dans les livres sont des mots qui vivent. Alors comme les mots qui vivent, ils sortent de votre livre, car on ne tue pas les mots. Pourquoi ces mots qui vivent sortent-ils de mes livres? Pourquoi me rongent-ils le cerveau? Parce qu'on ne tue pas les mots. Parce que j'ai dit, voilà, je donne mon cerveau. Et ce qui arrive est juste. Il pensa à Germaine, il expliqua. Chère Germaine, tu m'as dit, ce mot vous saute aux yeux. Alors ce mot vous saute dans les yeux. Chère Germaine, tu m'as dit, ce style est vivant. Alors ce style est vivant, chacun des mots de ce style est vivant. Les mots ne sont morts que dans les dictionnaires. Mes livres ne sont pas des dictionnaires. Ce qui arrive est juste parce que j'ai dit, voilà, je donne mon cerveau. Ainsi les mots me rongent le cerveau, ils copulent dans mon cerveau, ils piquent leurs œufs dans mon cerveau, ils éclosent dans mon cerveau. Il y en a qui meurent dans mon cerveau. Pouah, ceux qui meurent, comme ils puent dans mon cerveau. Mais ce qui arrivait juste. Il eut un souvenir, et pour mieux y penser, s'allongea par terre, là où c'était désormais sa place, pour que les mots puissent, plus vite, ronger son cerveau. Un jour, avec un ami, il avait été à la chasse. Il n'eût pas tiré sur un lièvre, même étant Valère, il n'eût pas tiré sur une femme. L'ami avait tiré sur le lièvre. Il l'avait blessé, il ne l'avait pas trouvé. Plus tard seulement, lui, il l'avait trouvé. Il ne restait que les os. Les fourmis l'avaient rongé. Les fourmis sont des mots à vous ronger le cerveau. Aussi, comme le lièvre, il rongeait son cerveau. Il n'en restait que des os. Mais cerveau est un mot. Il n'avait pas de cerveau. Il avait un mot comme cerveau. Il alla trouver Germaine, il dit. Je n'ai pas de cerveau. J'ai un mot, et d'autres mots mangeront ce cerveau. Elle ne pouvait pas comprendre. Ne blague pas, tu dis des bêtises. Il ne disait pas de bêtises. Et bêtise fut un mot qui rongea son cerveau. Pourquoi discuter? Elle était guérie, mais restait toujours un peu folle. Et ce qui arrivait était juste. Il retourna dans sa chambre. Il y courait plus de mots. Il reconnut Valère et ses deux pouces en mots pour étrangler son cerveau. Il se remit par terre et c'était maintenant sa place. Il n'était pas fou. Il était libre de se taire. Il annonça. « Je vais me taire. » Il dit... Point de suspension.